tapis, je picolais toutes les nuits. Pas bien dans mes pas, j'étais à côté de la plaque. Tu es ce matin, tu m'as dit aujourd'hui c'est le jour J. Je lui de l'échographie, voir la graine que t'as mis. Alors je suis allé voir ma mère, qui m'a dit au dessert: tu es bien le fils de ton père, tu sais jamais quoi faire. Et puis non, c'est pas grave, n'en fais pas tout un drame. Retourne voir ta blonde, c'est pas la fin du monde. Moi je suis un papa gangster. On fera l'école buissonnière. Moi je serai pas un papa gâteau, non. Moi je t'apprendrai tous les gros mots. Alors comme je suis pas très malin, je vais m'acheter un bouquin qui explique comment on fait pour s'occuper des mouflets. Et puis non, c'est fastoche, moi je garde les mains dans les poches. Pas besoin de vos conseils, moi j'ai gardé mon oseille. Moi je suis un papa gangster. On draguera les infirmières. Oh, t'es pas l'enfant de salaud, non. Moi je t'apprendrai à faire du vélo. Mais dans 7 mois tu seras là, fini la bamboula. Dans 7 mois je serai papa, mais je ne changerai pas. On vivra tous les trois dans un beau tibi en bois. Et j'irai plus trimer dans les usines d'à côté. Moi je serai un papa gangster. On draguera la fermière. On lui piquera tous ses chats. Et on disparaîtra en hélicoptère. Moi je serai un papa gangster. Ta mère c'est ta bombe nucléaire. Moi je serai un papa gangster. Et tu verras, ce sera pas un enfant de salaud. Moi je serai un papa gangster. Moi je serai un papa gangster. Moi je serai un papa gangster. Papa gangster. M'aimeras-tu encore même si j'ai eu tort? M'aimeras-tu encore si ma voix s'éteint dans un cri? M'aimeras-tu encore même si les vents forts m'éloignent de ton lit et de ton corps? Me parleras-tu encore sans que tu te forces à mentir sans pâlir? Me regarderas-tu encore sans que tes yeux ne trahissent? Je suis tombé de l'autre côté. Mais comment revenir en arrière? Te prendre la main, te laisser faire. Te dire que tu es belle et ensemble traverser la lumière. Avaler ta chaleur. Et ne plus avoir mal, ni peur. Me toucheras-tu encore du bout de tes doigts? Déposer sur mon front un baiser pour m'apaiser. Me laisseras-tu seul avec moi? Seras-tu parti le retrouver? Te souviendras-tu du temps passé? Diras-tu je l'aimais? Y a-t-il eu des doux moments sucrés? Tous ces parfums sur ta peau, la question m'est posée. Je suis tombé de l'autre côté. mais comment revenir en arrière? Te prendre la main, te laisser faire, te dire que tu es belle et ensemble traverser la lumière, avaler ta chaleur et ne plus avoir mal ni peur. Je ne vais pas m'évanouir, mes larmes retenir. Je ne peux pas te demander de revenir maintenant. Je suis l'autre côté. Mais quel sera mon avenir? Peut-être mourir. Tu sais, je t'aime encore. Tu sais, je pleure encore. Tu sais, j'en crève encore. Tu sais, j'en crève encore. Tu sais, j'en pleure encore. Je t'aime encore. Et pas de cri critique. Je suis d'une classe qui a souvent mal. Vous parlez de mon passé, peut vous intéresser. Je ne peux plus perdre mon temps en boniment. La gauche qui virevolte, la droite qui s'enrhume. J'écoute dans mes poches, j'ai toujours pas une thune. Les lendemains brillants et le passé éterni. Arrive un cassant, je m'en est à l'heure. Merci alors. Merci, merci, merci, merci. De faux pas dans la légalité. N'empêche qu'il y a des types qui se font interner. Vos jours de quotidien me saoulent avec rien. Pensez avec votre tête, il en est encore temps. La gauche qui virevolte, la droite qui s'enrhume. J'écoutais dans mes poches, j'ai toujours pas une thune. Les lendemains brillants, nos passes éternies. Arrive un personne, je connais, alors merci alors. Merci, merci. Avec ta tête, pense plus avec ton cul. Laisse tomber ce beau rôle d'ingénu. Un jour, c'est sûr, reviendra le jour pur où des maîtres danseurs nous feront de l'ordure. La gauche qui virevolte, la droite qui s'enrhume. J'écoutais dans mes poches, j'ai toujours pas de thune. Les lendemains brillants, le passé éterni. Arrive à me faire sentir qu'on est, alors merci, alors. Merci, merci, merci, merci. J'écoutais dans mes poches, j'ai toujours pas une thune. J'écoutais dans mes poches, j'ai toujours pas une thune. J'écoutais dans mes poches, j'ai toujours pas une thune. Pas une thune, pas une thune, pas une thune, pas une thune, pas une thune. Oh merde. Tu es le long, long serpent. tortueux et vicieux. Tu siffles au fond d'un monde creux qui t'empêche d'oser. Prisonnier de ce trop vieux panier, tes barreaux sont d'osier et tu veux t'en tirer. Doucement ondulé, ta prison est en toi, le poison est en toi. Allez, crache ton venin, crache ton venin, crache ton venin, crache ton venin. Mais donne-moi la main, tu verras ce sera bien, enfin. Tu es une panthère dedans, tu es seul à présent. Et il te faut chasser pour être rassasié. Dans ta gueule des poignards taquinent tes mâchoires. Et dans tes yeux l'espoir allume un feu tout noir. Tout noir. Alors reste là et attends-moi. Bientôt c'est le moment. Allez, fais-toi les dents. Fais-toi les dents. Fais-toi les dents. Fais-toi les dents. Allez, mords-y dedans. Attention, en y mordant dedans, tu te taches de sang, pourtant. Tu pleures. Tu pleures, tu n'as plus faim. Tu regardes demain. Tu pleures, tu n'as plus faim. Tu regardes demain. On ne mange pas sans se tâcher. Tu es un homme maintenant, tu sais. Pourquoi toujours? Pourquoi toujours? Pourquoi toujours mordre la main qui se tend vers ta main? Allez, crache ton lin. Crache ton venin. Crache ton venin. Crache ton venin. Allez. Crache, crache. Crache, crache. Crache, crache. Crache, crache. Allez, crache ton venin. Crache, crache. C'est bien ça. Crache, crache. Crash, crash. Tu peux cracher encore. Crash, crash. Attention. En y mordant dedans, tu te taches de sang. Pourtant. Pourtant. Pourtant. Pourtant. Pourtant. Tu joues quoi? De se voir, on ne se voyait plus. À t'en vouloir y croire, on n'y croyait plus. Mais ne me laisse pas si tu n'es pas sûr. Loin, loin, loin de toi, tu me dis tout bas. Cette petite aventure va tourner en déconfiture. Éclaire-moi, éteins la lumière, donne-moi ton côté sombre, regarde les ombres qui errent, cherche un peu de lumière, tout s'éclaire. Maintenant que le ciel n'a plus de murs, laissons-nous glisser dans l'ouverture. Le cœur est si léger, là où je t'emmène, d'autres sont allés dans ce domaine. Ah, éteins la lumière, nettoie ce qui n'est pas toi, souffle la poussière sur toi. Éteins la lumière, donne-moi ton côté sombre, regarde les ombres qui errent, cherche un peu de lumière, tout s'éclaire. De se voir, on ne se voyait plus. À tant vouloir y croire, on n'y croyait plus. Ah, éteins la lumière, nettoie ce qui n'est pas toi, souffle la poussière sur toi. Éteins la lumière, donne-moi ton côté sombre, regarde les ombres qui errent, cherche un peu de lumière, tout s'éclaire. Thank you. just left Chicago. I'm bound for New Orleans. I just left Chicago. Well, I'm bound for New Orleans. Walking from men to the others on all the phones in between. From Mississippi, Mississippi. Well, muddy water turns wine to wine. Took a drum from Mississippi, Mississippi. Well, muddy water turns wine to wine. Then out California, through the forest and the pine. Yes, take me, Jesus. You might not see in person. Yeah, I'll see you just the same. The same. You might not see in person. The person. Or I'll see you just the same. Just the same. You don't have to worry. Bravo. Merci.